Le Comité national nigérian d'études Kim Il-sung-Nissim Kim Jong-lism a inséré dans son page d'internet des articles à l'éloge du général Kim Jong-il. Sous le titre « Kim Jong-il est le cinquième anniversaire de son grade de généralissime », l'auteur écrit que son excellence M. Kim Jong-il, qui a laissé sa première trace de la direction de la révolution de Sungun à la division de Cher 105 lauréate du titre de Kuni Seul Ryu Gyeong-soo de l'armée populaire de Corée, a prêté toujours une attention profonde au renforcement de l'armée populaire sur le plan politico-idéologique et militaro-technique. Ce qui est notable dans sa direction de Sungun, c'est la brillante victoire dans l'âpre confrontation nucléaire avec les États-Unis. Sous le titre « Février de la puissance Pekdusan », la proclamation du programme de la transformation de toute la société par le kim-il-sungisme, l'auteur explique en détail que Kim Jong-il a défini les idées révolutionnaires du président Kim Il-sung comme le kim-il-sungisme et proclamé la transformation de toute la société selon le kim-il-sungisme comme le programme suprême du Parti Travail de Corée. Il souligne que Kim Jong-il est le grand maître des idées et théories et le grand homme sans égal qui a éclairé la voie à suivre par l'œuvre d'émancipation du monde.